Salut tout le monde, bienvenue sur FrenchPod pour cette nouvelle leçon avancée. Je suis Christella. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. Et aujourd'hui, on va avoir une leçon sur un thème super intéressant, la pierre de Rosette. Comme on a eu pas mal d'utilisateurs ici à FrenchPod qui ont apprécié les sujets un peu culturels et historiques, nous avons pensé qu'une leçon sur la pierre de Rosette conviendrait tout à fait. Donc dans ce dialogue, nous allons retrouver deux amis. Deux amis qui vont pour la première fois à la place de la Concorde à Paris. Oui. Qui voient l'obélisque et qui se posent plein de questions. Oui, on peut même dire qu'ils sont presque en admiration devant l'obélisque. Tout à fait. on va les écouter tout de suite. Sans plus attendre, on les retrouve. Tu vois tous ces caractères présents sur l'obélisque ? Incroyable cet enchevêtrement de signes. Je me demande comment ils se sont débrouillés pour déchiffrer les hiéroglyphes. On ne te l'a jamais dit ? Non. J'ai ouï dire que c'est un Français qui est à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes, mais ma connaissance en la matière se limite là. Je suis féru d'égyptologie. Je vais pouvoir t'éclairer. C'est un dénommé Jean-François Champollion qui parvint à percer le mystère. Il étudia les langues anciennes au début du 19e siècle et se découvrit rapidement une passion pour les hiéroglyphes. Ensuite, grâce à la pierre de Rosette, dont il arriva à se procurer une copie des inscriptions... Attends, la quoi ? La pierre de Rosette. Bon, je t'explique en deux mots. C'est un fragment de stèle qui fut découvert en 1799 par un officier du génie de l'armée de Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Et en quoi cela a-t-il pu aider Champollion ? L'intérêt de cette pierre est qu'on y retrouve le même texte reproduit selon trois systèmes d'écriture différents. Des hiéroglyphes, du démotique et du grec. Ah, j'imagine qu'il procéda alors par recoupement. Tout à fait, mais ce fut un travail de longue haleine. Il commença en 1807 et ce n'est qu'en 1822 qu'il put affirmer avoir découvert un système de déchiffrement des fameux hiéroglyphes. Impressionnant. Mais j'ai une dernière question. C'est qui Rosette ? C'est un lieu, mon ami. C'est le nom francisé de la ville de Rachid en Égypte, où ils ont trouvé la pierre. Ah. Et donc nous revoici. Et on a deux personnages qui sont en admiration devant l'obélisque et devant un enchevêtrement de signes. Enchevêtrement, quel joli mot français. Très difficile à prononcer, même moi j'ai eu du mal. Reprendre la prononciation alors peut-être. Enchevêtrement, un ensemble d'éléments mélangés les uns aux autres d'une manière désordonnée. Voilà ce que c'est, ouais. Par exemple, avoir un enchevêtrement de choses. Par exemple, alors moi je suis pas très forte en maths. Quand je vois certaines opérations, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cet enchevêtrement de chiffres ? Je ne comprends rien !» Et puis justement, notre personnage se demande « Comment ils se sont débrouillés pour déchiffrer les hiéroglyphes ?» Alors comment ils se sont débrouillés, comment ils ont fait ? Donc on a le verbe « se débrouiller » ici. Un verbe très utilisé en français pour dire « trouver un moyen de faire quelque chose », pas toujours le moyen le plus simple ou le plus habituel. C'est bien ça. Donc... On va vous donner peut-être deux, trois autres exemples pour l'illustrer. Tiens, Christella, ce matin, il y avait la grève des transports. Oui, c'est ça. Alors, comment tu t'es débrouillée pour venir travailler ? J'ai pris mon vélo. D'accord, c'est bien. C'est très bon pour la santé. Donc, c'est le moyen que t'as trouvé. Voilà. Et alors, la fois passée, on était en plein hiver, je me souviens, et on avait un repas ensemble. Tu sais que la pastèque est mon fruit préféré, et tu t'es débrouillée pour ramener une pastèque pour le dessert en plein hiver. Ça t'a fait plaisir, Amaury ? Ouais, bravo. Et donc ici, ils se sont débrouillés pour déchiffrer les hiéroglyphes, donc qui étaient encore inconnus. Voilà, alors déchiffrer. Déchiffrer, c'est réussir à comprendre des caractères qui sont inconnus ou bien des caractères parfois qui sont illisibles. Ou un code, par exemple. Tout à fait. Dans ce cas-ci, déchiffrer les hiéroglyphes. On a encore un mot ici dont la prononciation est peut-être un peu compliquée. Si tu pouvais le prononcer encore. Hiéroglyphes. Alors, ils continuent leur conversation. Mmh. Et puis, il y a l'un des personnages qui dit « J'ai ouï dire que c'est un Français qui a déchiffré les hiéroglyphes. » Alors, « oui », ici, ça vient du verbe « ouïr » qui signifie « entendre ». Le verbe « ouïr » est un verbe assez sophistiqué, assez littéraire. D'accord. Et alors, il se prononce bien « ouïr ». On doit bien marquer l'accent sur le « i ». Parce qu'il y a un tréma qui se trouve là. Et c'est pour ça qu'on le prononce, on prononce le « i » séparément. Donc, c'est bien « ouïr ». Et dans l'exemple ici, « J'ai ouï dire que c'est un Français... » qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres informations. Et alors, heureusement, l'un des deux personnages est féru d'égyptologie, donc il va pouvoir lui expliquer tout ce qui s'est passé. Et donc, il est féru d'égyptologie, il est fou d'égyptologie, il a un intérêt extrêmement fort pour l'égyptologie. C'est un passionné. Un passionné. Alors, comment utiliser l'adjectif féru ? Par exemple, Ross, dans Friends, je suis sûre que vous avez tous regardé cette série, parce qu'elle est géniale. Ross, dans Friends, est féru de paléontologie. Tandis que moi, par exemple, je suis féru de cinéma. Et de fait, j'essaie d'y aller autant que possible. Donc, il lui précise que c'est Jean-François Champollion qui parvint à percer le mystère des hiéroglyphes. Alors, on va se pencher sur cette expression, percer le mystère. C'est trouver une solution, une explication face à un problème. Mais problème dans le sens quelque chose de compliqué, qui est difficile à comprendre. Voilà, comme le mystère des hiéroglyphes ou le mystère de la peinture, la Mona Lisa. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que c'est nous qu'elle regarde quand elle sourit? Wow. Ça aussi, c'est un mystère. Et tu sais qui a réussi à percer le mystère de Mona Lisa? Non, qui? Ah, je ne sais pas. Si vous connaissez la réponse à ce mystère, vous pouvez toujours nous éclairer. Voilà, venez sur frenchpod.com, on attend vos explications. Pour percer le mystère, Champollion a eu besoin de se procurer une copie des inscriptions de la pierre de Rosette. Donc il a eu besoin d'obtenir une copie des inscriptions. Tout simplement. Et c'est là que dans le dialogue, on a un peu plus d'explications sur la pierre de Rosette. Et notamment sur la personne qui l'a découverte, qui est en fait un officier du génie de l'armée de Napoléon. Le génie de l'armée, qu'on peut appeler aussi le génie militaire, c'est une partie de l'armée qui est chargée des travaux de fortification et des voies de communication. Donc c'était pas vraiment des soldats, on peut dire que c'était plutôt des ingénieurs, des personnes qui faisaient un peu des recherches pour faciliter la progression de l'armée. Et évidemment, c'est quelque chose qui existe toujours dans l'armée aujourd'hui. Et donc sur cette pierre de Rosette, il y avait le même texte reproduit selon trois systèmes d'écriture différents. Oui. Et Champollion a procédé par recoupement. Par recoupement, on entend la mise en commun d'informations différentes qui permet d'arriver à une solution, qui permet d'arriver à un fait. Alors qu'au départ, ce sont des informations diverses. D'accord, donc il a comparé, il a confronté ces informations et il a trouvé une solution. Exactement, ouais. Ah, il est fort ce Champollion. Oui, c'est vrai, mais ça lui a pris pas mal de temps pour faire ça. Ce fut un travail de longue haleine. Ouais. Donc, travail de longue haleine. Oui, on sent par cette expression que il y a du temps qui s'est écoulé. Vraiment, et que ça a été un travail compliqué, laborieux, vraiment très long, que ça n'a vraiment pas été facile, quoi. Mais bravo, grâce à tous ces efforts, il y est arrivé. Et grâce à la pierre de Rosette. En fait, c'est pas son vrai nom, Rosette. Son... Elle a une petite anecdote. Son nom a été francisé, on lui a donné un caractère français. Ouais. Son vrai nom, c'est Rachid. Qui est le nom de la ville égyptienne en arabe. Et d'ailleurs, on fait ça pour pas mal de noms de pays ou de villes. Oui, par exemple, la capitale de la Chine, Pékin, elle ouais. a été francisée et on dit Pékin en français. Ou par exemple, la ville de London a été francisée aussi, c'est Londres. Donc maintenant, il est temps pour nous de réécouter le dialogue. Tu vois tous ces caractères présents sur l'obélisque ? Incroyable cet enchevêtrement de signes. Je me demande comment ils se sont débrouillés pour déchiffrer les hiéroglyphes. On ne te l'a jamais dit ? Non. J'ai ouï dire que c'est un Français qui est à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes, mais ma connaissance en la matière se limite là. Je suis féru d'égyptologie. Je vais pouvoir t'éclairer. C'est un dénommé Jean-François Champollion qui parvint à percer le mystère. Il étudia les langues anciennes au début du 19e siècle et se découvrit rapidement une passion pour les hiéroglyphes. Ensuite, grâce à la pierre de Rosette, dont il arriva à se procurer une copie des inscriptions... Attends, la quoi ? La pierre de Rosette. Bon, je t'explique en deux mots. C'est un fragment de stèle qui fut découvert en 1799 par un officier du génie de l'armée de Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Et en quoi cela a-t-il pu aider Champollion ? L'intérêt de cette pierre est qu'on y retrouve le même texte reproduit selon trois systèmes d'écriture différents. Des hiéroglyphes, du démotique et du grec. Ah, j'imagine qu'il procéda alors par recoupement. Tout à fait, mais ce fut un travail de longue haleine. Il commença en 1807 et ce n'est qu'en 1822 qu'il put affirmer avoir découvert un système de déchiffrement des fameux hiéroglyphes. Impressionnant. Mais j'ai une dernière question. C'est qui Rosette ? C'est un lieu, mon ami. C'est le nom francisé de la ville de Rachid en Égypte, où ils ont trouvé la pierre. Ah. Je me souviens, à l'école, on a étudié l'Égypte ancienne. Ouais. Et nos professeurs ne nous ont pas parlé, en fait, de la pierre de Rosette. Donc pendant très longtemps, j'ai cru que les hiéroglyphes, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je croyais que les hiéroglyphes n'avaient pas encore été déchiffrés. Sérieusement, Amaury, fais pas cette tête. Ouais, là, je suis t'es un peu choqué, là. Parce que cette pierre est vraiment, vraiment connue, puisqu'elle a permis d'établir le déchiffrement de cette écriture ancienne. Oui, parce qu'une fois que ça a été fait, ça leur a donné une clé, en fait, une solution qui a abouti à la lecture possible des hiéroglyphes un peu partout dans le monde. Donc faut pas croire que c'est seulement les hiéroglyphes sur cette pierre qui ont été déchiffrés et pas ceux qui se trouvent ailleurs. D'ailleurs, ceux qui se trouvent sur l'obélisque qui se trouve à la place de la Concorde à Paris, aussi on arrive à dire de quoi il traite en fait, de quoi il parle. D'accord, la découverte et le déchiffrement de la pierre de Rosette, ça a vraiment été un des fondements de l'égyptologie moderne. Ouais, et donc Champollion, c'est peut-être les Français qui disent ça, mais il est considéré comme le père de l'égyptologie. Tellement sa découverte a été fondamentale. Vraiment impressionné en plus, ça a été un travail vraiment très long. Puis j'imagine tous les égyptologues qui par exemple au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, qui ont dû passer un temps fou à essayer de trouver la clé. Ah bah oui, c'est ça, il y a eu des gens avant qui ont essayé. Au moment où il l'a fait, il y avait d'autres personnes qui étudiaient en même temps. Et c'est lui qui est arrivé en premier. Mais bon, lui, il était passionné. Il était passionné déjà de langue ancienne. Il a consacré toute sa vie à ça. Bravo Champollion. Je suis vraiment impressionnée, je suis vraiment en admiration devant son travail. Et si vous aussi vous êtes en admiration devant le travail de Champollion, ou si vous êtes féru d'égyptologie, n'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com. On vous y attend avec vos commentaires ou vos questions. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée. Merci à tous. Au revoir. Salut.